Exercice 9, page 136. A. Vous venez de Belgique ? Transformer. Oui, je suis belge. B. Vous venez du Brésil ? Transformer. Oui, je suis brésilien. C. Vous venez du Bénin ? Transformer. Oui, je suis béninois. D. Vous venez de Cuba ? Transformer. Oui, je suis cubain. E. Vous venez du Gabon ? Transformer. Oui, je suis gabonais. F. Vous venez du Liban ? Transformer. Oui, je suis libanais.